Ok. Vous n'avez rien entendu. Non. J'ai tout entendu. Bonsoir, Denis. Et pourtant, il a l'air d'avoir le son, hein. Depuis tout à l'heure, mais c'est bizarre, c'est qu'il... Ah, il active que le truc... Ouais, je pense qu'il y a un... Ouais, non, mais je pense qu'il y a, un petit souci sur les... Tac, microphone. Alors, 1, 2, hop, voilà, le micro, ça a été fait, ok. Non, mais en fait, il m'a remis tous mes paramétrages sur le truc par défaut, alors qu'il faut pas que ce soit du tout par le truc par ouais, défaut. Ouais, ça m'a déjà fait ça une fois aussi. On t'entend, mais pas beaucoup sur le live. Tac, alors, non, le truc, c'est qu'il faut que je retrouve, parce que, bien sûr, tout a été renommé sur les mauvais trucs. Ça me fait chier en fait à chaque fois. Tu vois que c'est là où je lance pas assez souvent. Voice meter. Ça va être le voice meter Vaio, je pense. Si je le retrouve. Ça doit être celui-là. Quelqu'un peut parler vite fait. Blablabla. Vite fait. Ça c'est fait. Ok. Bon. Voilà, génial, les paramétrages au truc. Donc, quelqu'un veut un café ? Merci, oui. Oui, non mais. Non, c'est bon, je viens de finir une eau chaude. C'est-à-dire, c'est qu'il y a le père derrière qui est en train de. Quoi, on a entendu le oui de loin. Mon père et ma mère, non, sans déconner, merde. On a entendu le oui de loin, ça oui. je dirais, tu peux leur passer le bonsoir. Bon, donc ouais, alors ça sera petite séance parce que vu qu'on a commencé en retard, qu'il y a plein de soucis techniques et que ça sera plus simple comme ça. Donc séance 4 de Dungeon World avec notre petite équipe. Donc, je suis pas petit. Okay, monsieur l'arbitre Heinrich Fuchscroft, j'arrive jamais à le dire ton nom. Fuchscroft, oh là là, tu l'as dit. Voilà. Fuchscroft. À tes souhaits. Claustrophobe et Célène. Est-ce que l'un de vous veut faire le petit précédent de lit de la dernière partie? Should be dead, yo. Non, personne. Non. Bon, bah, ok. Je vais faire ça. Donc vous êtes parti dans la dernière fois vers les ruines qui sont plutôt des ruines de temples, de cathédrales de la ville, le côté un peu plus mystique, religieux, parce que vous aviez claustrophobe avait pour mission de tuer une personne là-bas, un chef de gang qui monsieur Satronche. Et qui avait fait en plus, voilà, qui avait pu intéresser d'autres personnes comme Heinrich du fait que bah, y avait sûrement des trésors là-bas, parce que c'est un coin qui a été très peu visité, voilà. Donc vous êtes allé dans cette cathédrale. Vous y avez trouvé donc le gang. Hein, il y a aucun souci là-dessus. Vous avez même éliminé la cible. Ça s'est fait dans un combat qui s'est plutôt bien passé. On va pas se cacher que ça a été plutôt plutôt facile pour vous. Je pense que chacun a eu son petit moment voilà, qui, lors de ce combat. Mais vous avez également trouvé un trésor, en tout cas, Heinrich. Heinrich, on l'a trouvé, hein. Oui. Ouais. Lui, il le sait, pour non, lui, non, c'est non, juste non, un non, truc bizarre. Non, j'ai trouvé un vieil artefact, quel trésor, pas d'une grande valeur, en dehors de la collectionnite aiguë de certains. Enfin, voilà, rien de bien important. Voilà. Mais ce fameux livre est quand même ultra important parce que il explique beaucoup de choses parce que c'est un livre qui a été dont les derniers écrits sont sur le moment du grand changement, le moment de la montée de Lucifer dans la ville. Donc une chose qui a une... Absolument pas, c'est un recueil de chants et de prières. Chants et de prières, oui. Eh oui, on s'en souvient. Voilà, mais voilà, pour faire un petit récap pour les auditeurs. Et donc oui, ce fameux trésor, bien entendu, bah, tous les autres ne le savent pas que tout ça, parce que tu as gardé tout ça pour ta gueule. Voilà. Salaud. Le une réaction appropriée. Donc voilà, vous avez quand même quelques noms qui étaient revenus, hein. Vous avez l'archi-évêque de Tol Saldum, hein, qui était revenu. Je sais pas si vous aviez le nom de l'autre évêque, de l'évêque du qui avait écrit Monseigneur Pince. C'était Monseigneur Pince, l'évêque Monseigneur Pince, l'évêque Pince, qui est tout ça, bien entendu, écrit dans un Menzorien ancien. Ça a été la langue que vous avez créée, vous avez décidé. Voilà. Voilà. Voilà, et je sais parfaitement lire le Menzorien ancien. Exactement. Donc voilà, suite au combat, ben, vous en avez aussi un peu... profiter pour récupérer quelques livres autres, un peu au hasard pour le reste, mais vous avez également libéré les différents prisonniers qui avaient c'est bon, mais voilà les différents prisonniers qui étaient enchaînés enfin voilà dans leur prison de cages en l'air. Les cages en l'air. Donc en gros, voilà où vous en êtes. Je ne sais plus si on avait décidé, si vous rentiez, si vous en étiez, on avait décidé de s'arrêter là. J'ai juste ce... Bah, on avait juste décidé de s'arrêter là, sans autre décision. Il me semble que celui qui était en... avec sa tronche nous proposait un truc ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ça faisait un peu cliffhanger. Non, de mémoire, celui qui était avec sa tronche, il était en train d'essayer de s'en sortir et de ne pas se retrouver du mauvais côté du coup de poing. Oui, ça doit être ça. Que du coup de poing ? Entre autres, évidemment. N'est-ce pas ? Voilà, mais bon, oui, parce que voilà, on va recommencer au moment où vous êtes dans cette cathédrale en ruine. Dont les gens ne verront pas des images. Des photos. Voilà, parce que. Mais bon, quoi, il n'y a pas de photo reportage en même temps. en sachant que ben le problème. Enfin, le problème. C'est pas un réel problème, mais ben, les différentes personnes que vous avez sauvées ou même. Que vous n'avez pas tué, parce que vous n'avez pas tué toutes les personnes du gang. De souvenirs, mais c'était... une petite dizaine. Moins de 10. Bon, voilà, après, moins de dizaine. Mais là, je crois qu'on n'a pas buté tout le monde. Non, vous n'avez pas tué tout le monde. Ok. Il... Voilà, il reste Justement, on a pas buté tout le monde, et justement, la question qu'on devait se poser, c'est est-ce qu'on en fait notre propre gang, ou qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là qu'on n'a pas buté, du coup. C'est ça. Il y avait une question de création de gang. Alors, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est vous. En tout cas, il y avait eu un petit... Il y avait eu le délire de la cotisation des donjons ou un truc comme ça aussi. Oui, non mais... Ça, c'est un projet annexe. Je pense que ça va faire le fils d'un spin-off. Donjons et cotisations. Pour tenir en haleine le spectateur, tu vois, il nous faut un spin-off, c'est obligatoire. Le nouveau jeu de rôle, trop bien. Oui, il te faut résoudre des équations quadratiques pour réussir à progresser. Bon. Donc on va reprendre un peu le truc, c'est que voilà, il y a des questions qui se posent, il y a plusieurs choses. Comme je dis, ça sera une petite séance vu l'heure on a lancé et je vais pas me lancer dans des gros trucs. Pour le coup, je pense que ça va être le moment peut-être de définir un peu ces choses. Est-ce qu'il y a un gang qui sera créé? Oui, non. Si c'est oui, il va falloir peut-être un peu décider de quoi, comment. Enfin voilà. Peut-être se donner ces informations-là. Le trésor que vous avez trouvé, enfin en tout cas Heinrich a trouvé, a une certaine importance. Avec clairement une importance au niveau. Au niveau du lore. Du lore, parce que ça peut changer beaucoup de choses dans l'histoire. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment là, c'est quelque chose de pas mal de profiter de cette petite séance. Pour peut-être discuter, voir ce que vous voulez amener, qu'est-ce que vous voulez avancer sur ces sujets-là, voir après peut-être gérer des scènes plus RP dans le sens par rapport à ce qui va en sortir là-dessus quoi. Mais on va créer un gang et c'est moi le chef. je suis pour le plan de subjuguer les ennemis. Oui, alors moi, quelque part, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des gens qui retournent leur veste parce qu'on a buté leur patron? Oui, je suis de la même idée, oui. Est-ce qu'ils vont pas essayer de faire la même chose sur nous? Parce que voilà, niveau loyauté et compagnie, bon, la question se pose quand même. Non, j'ai un plan pour ça. Oui, mais après, c'est peut-être le fait de la loyauté au plus fort. Oui, je me sens pas d'acquérir la loyauté de quelqu'un par la domination, par la force, tu vois. Ça correspond pas à mon personnage. Moi non, moi oui, en avant. Non, alors, attends, que je t'explique, moi je défonce des gueules. Voilà, c'est mon métier, voilà, point barre. Oui, oh là là, pas faire les choses par la force, oui, c'est... Non, tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il faut pas cher, entendre comme conneries? Mon cher Heinrich, moi ce que je veux dire, et pas de l'action, ce serait tellement épique, c'est que je ne prends pas le contrôle par la force, j'utilise ma force, ma rage de moi-même, tu vois, ma rage en moi, pour défoncer les gueules. Oui, t'inquiète pas, c'est moi qui prends le contrôle grâce à ta rage, donc toi tu n'as besoin de rien faire. Si tu prends le contrôle, je veux un retour sur investissement, tu vois. Pendant que vous êtes en train de faire votre petit truc, moi je vais m'approcher du groupe de prisonniers. Enfin, de mecs qui se sont rendus plutôt. Alors, c'est pas vrai. On va appeler ça et on va appeler deux groupes parce que vous avez le groupe de prisonniers que vous avez libéré et sinon vous avez le groupe. Le groupe de volontaires. Et voilà, je m'approche des volontaires. Des futurs volontaires. Des anciens gangs. Ok. Oui, c'est ça. Ok, donc. Parce que ces gens-là, tu vois, va falloir les. Payer aussi pour qu'ils puissent exercer leur leur art qui est qu'un peu financé un tel groupe. Silence. C'est aussi ça la question. Ta gueule l'armure. Laisse parler les grandes personnes s'il te plaît. Je t'en garde de haut. Mais de toute façon tu parles pas, qu'est-ce que t'as pas ton mot à dire, c'est tout. Pour le coup il vient de parler. Merde. Quelle était donc cette voix caverneuse? C'est un peu ça. Et du coup, je me tourne vers les futurs volontaires et je leur dis d'une voix d'outre-tombe. Bonsoir. Bonjour. J'ai une opportunité d'investissement pour... Bonsoir. Je m'appelle Jean-Kevin. Et je me tourne derrière et je leur dis: tous ceux que je vainque, l'âme de tous ceux que je vainque me revient de droit. Que ce soit pour la consommer ou pour me servir, le choix est le vôtre. Soyez subjugué ou mourrez. C'est votre seul choix. C'est ridicule. Du coup, la question sur le paiement se vient de trigger. Et du coup, dans le fond, moi je fais. Et n'oubliez pas que vous travaillez pour Irish Foxcraft. Je rappelle que cette décision vous appartient. Ah, ça vous. Putain, il est revenu par où, ce con. L'arbitre, tu sais, il fait le crunch avec les phalanges. Ok, bon, bah, clairement. Si vous oui, je suis dans leur fang, j'imagine. Il jette un regard au tas de cadavres en plus ça. Ou moins bon état. Alors, voyons voir. Eux, ils étaient pas d'accord, ils sont morts. Nous, on est vivants. Bon. Voilà. Pour le coup, voilà, clairement, il y a pas. Voilà, c'est clair et net. Vous avez éliminé un certain nombre d'opposants à vous seul. Parce que oui, vous avez quoi? Vous avez fait, je crois, tuer plus d'une. Plus, on pas, était dans pas, les deux chiffres et le premier dans c'était les 20, pas. Ouais, les 20, dans les 20-25 gars, seul, il en reste une petite. Même pas une dizaine, je crois, 5, 6, 7. Non, c'était 7. Donc vous avez les 7 gars là, qui sont là, qui se regardent, qui vous regardent, qui regardent les gars qui sont un peu, bah, qui sont morts et tout ça. La tête de l'autre, qui c'est de leur chef, qui a été découpé en deux hein, par. Oui, qui porte ma ceinture. C'est ça. Donc. Ouais, on est d'accord. Vive notre groupe. Je suis toujours peu convaincu de leur confiance qui sont en nous. Hein. Je ah non, non, non, on fera tout ce que vous dites. Hein, et puis. Jusqu'à oui, quand C'est ça la question. Non, mais. Non, mais on veut pas. Enfin. Non, parce mais que. Mais même pas vous négocier quelque chose, vous êtes vraiment minable. Oh, il y en a un qui dirait. On peut négocier. Non. Fallait penser là, du coup. L'arbitre, il va reprendre, il va faire « Il n'y aura pas de négociation, mais je sais que vous serez loyaux. » Et du coup, je vais aller à chacun d'eux, et je vais, d'un gantelet griffu, j'imagine, tracer une sorte... Enfin, tracer... Oui, leur arracher la moitié de la gueule, quoi. Ouais, bah leur tracer une espèce de rune sur le front. Alors oui, ça saigne, et ça fait un peu mal, mais c'est pas... Voilà. Et une fois que j'ai fini, je fais cette rune est un charme magique. Osez me trahir et je le saurai et je viendrai pour vous, vous et tous ceux qui vous sont chers. Bullshit. Pardon. Là, il y a mon esprit qui se marre, mais. Oui, mais eux, ils ne le font pas. Ah, ton esprit qui se marre, mais de naturel. Enfin, je veux dire, on entend le rire ou c'est juste dans ta tête. Je suis désolé, je pose la question parce que. J'imagine bien je le rire qu'il y a. Je pense dans ma tête, mais sûrement que Arbitreur veut qu'il peut l'entendre. l'entendre aussi. Moi, je suis à côté en train de tousser. Bullshit. Bullshit. Et j'ajoute, sachez que les murs ne peuvent pas m'arrêter. Ah, ça par contre, je confirme. Ok. Il n'y a pas un mur qui peut m'arrêter, il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous cacher, je ne dors pas, je ne bois pas, je ne mange pas, je ne m'arrête pas, vous ne pouvez pas m'échapper. Vous pouvez courir mais pas vous cacher et je suis plus rapide que vous. Okay. Alors, et n'oubliez pas que vous bossez pour Heinrich Foxcroft. Je sais pas pourquoi, je pense que derrière ce que tu dis, Arbiter, il y a une référence, mais je l'ai pas. Non, absolument pas. Je sais pas où vous êtes, mais je vais venir et je vais vous tuer. Mais il y a une référence, hein, je pense. Hein, mais bon, là, c'est. Ouais. Ouais. Attendez, alors, je. Voilà. Bon, il y avait. L'enjeu c'était de recruter ces gars-là, voilà, qui faisaient partie de l'ancien, ouais, je de l'ancien gang. Je suis pas totalement d'accord. C'est l'enjeu en tout cas de. Oui, mais voilà, bah, je dis bon, bah, ouais, ok, mais bon, bon, voilà quoi. Moi, je pour le coup, donc, tu vas me faire un jet. Il y a un fameux jet qui s'appelle recruter. Yay! Tu vas recruter. On va partir sur. Je sais pas si je prends le charisme ou la force. Parce que c'est plus. J'aimerais bien. On va plutôt prendre la force dans le sens où tu leur laisses pas trop le choix, quoi. Là, tu Ouais. t'intimides plus qu'autre chose et on va plutôt prendre sur ta force. Et par rapport à ce que tu m'as dit, on va te donner un plus un. Voilà. Alors, est-ce que j'ai plus un parce que le salaire va être généreux? Parce que je trouve que leur laisser la vie sauve, c'est vachement généreux. Non, c'est plus Non. t'as fait connaître tes Non. projets à la rencontre. Si, C'est ça. c'est plus ça en fait. Alors, vu que je suis humain, je suis un très grand commandant, et est-ce que ça va m'aider à commander ces sbires? Attends, tu vas aller vers quoi avec ça, ce que t'as envie C'est de faire? peuple, c'est le truc du peuple. Là, je Alors suis un oui, grand commandant. c'est pour les commander. Pour le Ouais, moment, pour je sais les pas commander, il si. faut les recruter avant. Donc Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est logique. voilà. Ok. Je suis pas contre pour l'utilisation plus tard, il n'y a pas de souci. Mais là, non, non, je Alors, plus comprends. un, parce que j'ai des projets. Et je vais dévorer l'âme d'un de leurs infortunés camarades pour avoir un petit plus en plus. Oui, en plus, ouais, tu peux. C'est vrai que t'as tes âmes, toi, pour pouvoir choper des trucs. Mouah! Mouah! Waouh! Bon, bah, c'est un Avec quand succès même, hein. complet. Heureusement Il a fait combien du coup? Parce que étant donné que j'ai pas il a fait. de. Alors, Il a pour ça, fait 10. c'est un succès complet. Il a fait 10. Il a fait sur un Oh le 10 salaud! plus qu'il devait faire, il a fait 10, en Oh le sachant salaud! qu'il a plus 1, plus 2, ouais, c'est ça, il avait plus 3 quand même. Donc, il a bien fait de choper les Purée, trucs. en vrai. Donc, bah, tu Avec vois que les skins. l'ensemble des dégâts, voilà, vont suivre de toute façon. Enfin, avec ton manège de la rune magique, il y en a aucun qui s'y connaît en magie apparemment. Ou, enfin voilà, c'est plus des, on va dire des soldats, ce qui en tout cas reste des soldats, ce qui peut être des soldats dans cette ville, quoi. Donc chacun va te suivre et pour le coup Oran ben tu vois qu'il y a un des gars qui va peut-être un peu plus réagir à tes trucs voilà je vais faire un peu sur la durée mais le coup de la rune magique qui pourrait peut-être les tuer, tout ça. En fait, il y a un des gars qui va lancer un peu le truc en mode ouais, mais en fait, non, c'est pas une arme magique pour nous tuer. On a été marqué par la puissance donc de Du l'arbitre, enfin truc. voilà, non, bah, voilà, de l'arbitre. Enfin, tu vois que y a un des gars, toi, qui prend ça Lui, il est un peu. Ouais, c'est ça, à fond dedans. Voilà, c'est ça. Pour lui, en fait, il considère que tu viens de le bénir. Simplement Oh, évidemment que je l'ai béni, oh, hein. il fait une secte Un qui s'ouvre. fanatique, c'est mignon. Évidemment que je l'ai béni avec la toute puissance de l'ultime. Non mais Lévi, tu vas être à l'origine d'une religion avec chacun de tes persos ou comment ça va se passer? C'est Ah, mon comme but perso maintenant. je suis un dieu, ta gueule. Mais c'est non, non, c'est pas toi, ce n'est pas juste qu'un truc de Dieu, mais voilà, c'est juste. Le dévoreur d'âmes m'a choisi. Oui, en Voilà, avant. c'est un peu. C'est un peu. Bon, bah oui, j'ai été choisi. Si je suis resté en vie face à ça, c'est que. Et qui m'a choisi pour me recruter, c'est que j'ai du potentiel, en fait. Voilà un C'est peu ça. l'idée qu'il y a, tout ça derrière. Bon, clairement, c'est pas ça du tout, mais c'est. Toi, les gars doivent trouver une excuse pour se dire, ouais, non, mais si je suis en vie, c'est vraiment parce que ah, je suis bon, quoi. Oui, enfin, c'est des Américains, quoi. C'est des Américains, donc. Ils ont été Alors, choisis non, par parce Dieu. qu'ils ont pas. Ils n'ont pas encore des nukes, tout va bien. Alors, après, il reste. Donc, ça fait. Tu as donc ces 7 gars-là. Sauf que, ben, il vous reste. Il y a je pense une petite dizaine là de prisonniers que vous avez descendus. Sur la petite dizaine en plus, il y en a beaucoup qui sont pas en très très bon état. Alors cela, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous les libérez? Enfin, vous libérez, vous les laissez partir? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que vous faites de ces Il semblait qu'on personnes? les avait laissés partir, non? Il en reste combien? Il y en a une petite dizaine. Certains, ouais, vous avez décidé de les laisser partir à la base, mais comme je dis, il y en a certains qui sont pas en super bon état. Donc je vous avoue qu'ils ont sont pas allés très loin. T'en as certains qui sont même en train de plutôt de se soigner ou de profiter d'aller prendre la bouffe qui était peut-être en train de cuire un peu plus loin. Enfin voilà, toi de. On les ramène y en à a, y en a l'auberge. quelques-uns qui Ouais, je sont m'en barrés, fous. mais voilà. Moi, je laisse traîner, rien à foutre. Ça me regarde pas. Vous les laissez tous partir alors? Je personne, enfin je personne. Oui, qu'ils partent et qu'ils se souviennent bien qu'ils ont été sauvés par Heinrich Foxcroft. S'il y en a qui veulent suivre jusqu'à l'auberge, ils sont libres de taguer, de rester, mais je mets Ok. cette marquée à guider maintenant. Ok. Bon, si voilà, si vous faites rien de plus avec eux, ils vont clairement, si tu proposes de qu'ils peuvent suivre le groupe pour aller jusqu'à la taverne du vieux Ping, clairement, oui, hein, ils vont pas dire non. Avoir des gars pour les protéger alors qu'ils sont en super mal en point, ils font. Ils vont pas dire, ils vont clairement pas dire non. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont se barrer de leur côté. Ils faisaient peut-être partie à certains groupes qui se donc ils, ça, ils ont peut-être pas une envie d'aller là-bas. Ok, donc les sept gars vont vous suivre et on discutera un peu plus dans la taverne. Du côté de toi, Heinrich, le livre. Ce fameux livre, enfin ce Oui. fameux compendium, enfin c'était un gros truc. Qu'est-ce que t'en fais en fait? Pour le coup, voilà, Pour t'as le fait l'instant, de rien. garder. Voilà, ouais, tu Pour le, l'instant, enfin. rien. Je vais l'étudier de mon côté, histoire de déterminer la valeur et tout. Et une fois qu'on sera de retour à l'auberge, par contre, là, je vais faire un machin avec. Je vais faire. Du papier cul. Je vais faire ça. Voilà. Antiquaire. Tu vas utiliser ton move antiquaire qui, alors, quand vous examinez un objet magique, un artefact ou une technologie ancienne, vous pouvez poser deux questions à la liste suivante. Ok. En vrai, c'est hyper handicapant de pas avoir relevé sous les yeux. Oui, c'est pour ça que je te lis les trucs pour le moment. Oui, je te remercie, parce qu'en plus sur ton live il y a des grands noirs, c'est dommage, mais Oui, ben non, ben j'assume. c'est Oui, pas j'ai cru de ma comprendre que faute, tu avais c'est un que pour problème. le Oui, non, coup j'ai il cru y a un comprendre que tu avais eu problème. un problème. Hein. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est pour ça, donc. Ok, On donc fera un podcast. tu as deux questions. Tu auras deux questions. Ok, je vais. On va continuer là-dessus. Je considère que voilà, votre groupe, vous êtes allé jusqu'au chez le vieux Ping. On fera les uns par les autres. On va commencer donc par toi, Yannick, qui donc étudie ce livre. Et donc tu as deux questions possibles maintenant. Laquelle Eh ben, la vas-tu? première est donc la plus importante. Pour qui cet objet aurait-il de la valeur? Clairement, il y a plusieurs groupes qui peuvent trouver à ce livre une grosse valeur hein, au vu de ce qui est écrit dedans. Le premier, c'est Lucifer, tout simplement. Est-ce qu'il a réellement envie de que chacun apprenne ce qu'il s'est réellement passé et peut-être des informations qui peuvent peut-être le trahir sur quelque chose. Donc, Je pense qu'au fond, ça doit pas trop le déranger, il brûlerait tout le monde. oui, mais il y a peut-être des informations qui peuvent le déranger quand même. Et oui. Des gens qui pourraient pas brûler. où certains éléments qu'on a parlé dans la création de ce monde, des artefacts. Ah, exact. Voilà, hein. Oh, les salauds. Donc, bon, voilà, il y a peut-être eu des informations liées à ça dedans. Donc, Lucifer, il serait intéressé, comme j'ai dit, le premier, hein, de toute façon. Le deuxième, bien entendu, ben, c'est son, on va dire, l'ordre qui le combat, c'est-à-dire l'ordre des Sandars, pour la, surtout, sûrement la même raison, hein. Donc c'est, je pense, les deux gros gangs, enfin, on va dire, personnes qui voudront avoir ça. D'un côté un peu plus, enfin un peu plus, peut-être moins important, mais qui peut les aider, bah, c'est les Schultistes de Lucifer. Voilà, c'est pour eux, c'est, bah, c'est pour le ramener à Lucifer, bien entendu, mais voilà, ça pourrait peut-être leur donner, ça peut faire un petit cadeau qui peut vraiment être apprécié. La guilde des aventuriers, vu que c'est des chasseurs, la chasse au trésor, bien entendu, avoir un autre trésor en plus, et de ce niveau-là, ben, peut les intéresser. Et la brigade civile pourrait être peut-être intéressée aussi, dans le sens où, ben, vu qu'il y a toutes les explications d'avant, enfin, ça peut donner la légitimité de montrer que, en fait, la ville leur appartient, en fait, avant l'événement qui s'est passé. D'accord. Voilà. Donc, oui, ça peut être utile à pas mal de personnes. C'est le prix de oui, secte. Oui, oui, ça sent la vente aux enchères très exclusive et privée chez Pix. Ça. Et la deuxième question, du coup, qui a créé cet objet? Toi, je verrais bien. Bah, pour Ping. Le coup, non, pour le coup, c'est pas Ping. C'est pas Ping, en tout cas, tu ne sais pas parce que tu ne connais que le nom de Ping, mais. Pour le coup, ça a été créé par l'évêque, en fait, tout simplement. C'est un objet qui a été créé par l'évêque, mais qui est rempli de magie. Qui est rempli de magie, entre autres de magie. Alors, est-ce que c'est. Je sais pas s'il y a une différence entre la magie profane ou la magie. La magie des dieux, hein, ça on l'a pas décidé, et donc ça reste vague, mais voilà, il y a de la magie et qui est clairement liée à une entité, et qui est l'entité, voilà, de cette femme, cette statue de femme aux multibras, quoi, de cette, bah, sûrement cette déesse de, ouais. Ah, y a, mais Ilou Dallas multibras. La thèse de la bière. C'est bon, voilà, ça c'est fait. Voilà. Il brasse, multibrasse la déesse de la bière. Alors, il n'y a pas, désolé, il n'y aura pas que de la bière, mais. Parce que... Oui, non, mais bah, ce sera la déesse de la bière, de machin, de trucs, c'est comme les ministères qui sont toujours des trucs de l'agriculture. Parce que ça reste la déesse de la connaissance. Hein. Le but, c'était d'avoir un truc. Connaissance de la bière. Déesse de la bière, de la connaissance et du brassage, voilà. Non, parce que le brassage est une connaissance ancestrale, donc forcément, la déesse de la connaissance, tout ça, voilà. Et que les abbayes qui brassent. Voilà, tout à fait. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Donc voilà, il y a... a été créé, mais voilà, de façon clairement magique. Bah, comme j'avais dit, hein, le truc ne prend pas la poussière, il a l'air d'être nickel. Les seuls, en fait, tire un peu le seul, les seules ratures que tu vois, en fait, c'est l'écriture rapide qui est des derniers messages, dernières phrases de l'évêque, mais c'est tout quoi. Ok. Là, c'est pour ça que c'est, enfin, il serait vraiment pas mal, enfin, il serait très recherché cet objet, parce que c'est quelque chose qui n'a même pas été altéré par le temps, en fait. Ouais. Bah ouais, bah du coup, pour l'instant, je vais le garder sous la main, parce que là, j'ai chopé un truc ok, cool. Mais je vais peut-être un petit peu voir la situation des lieux et tout avant de me décider de le refiler à quelqu'un. Et puis de toute façon, ce n'est qu'un simple recueil de chants et de prières, donc je suis pas pressé. Oui. Alors après, je vais pas te cacher, hein. Si tu le montres, il a une visibilité que c'est ça. Pour quelqu'un qui comme toi connaîtrait un peu la valeur des choses, serait que ouais, c'est bizarre quoi. Il est pas mal. Ah oui, non, mais je suis pas en train de bouquiner en plein milieu de l'auberge avec ma pinte à côté, hein. Ça, non, mais on est, voilà, on je fais est, ça on est d'accord, mais, dans un coin. Mais je préfère amener la chose tout de suite, te dire fais gaffe, ça reste quelque chose qui est visible que c'est quelque chose de. Mais bien sûr, je suis parfaitement conscient qu'il n'y a pas que des crétins incultes comme mes compagnons dans cette auberge. En parlant de crétins incultes, j'ai raté un wagon, on est revenu à l'auberge. Oui, j'ai dit qu'on est revenu à l'auberge. Donc j'ai raté un wagon. Ok, c'est bon. Non, mais c'est bon, je l'ai rattrapé le wagon. Voilà. Non, j'expliquais que voilà, je faisais la partie déjà, la partie de Heinrich, je veux savoir ce qu'il faisait avec ce. Oui, non, mais là, j'avais le concept, voilà. Mais c'est le lieu que je. Que j'avais pas a priori. Ok, très bien. Bah donc si c'est en attente, ok, on va pas aller plus loin avec cet objet pour le moment. Et donc ça n'amènera pas de scène en plus. Non, pas là dans l'immédiat. Hein, c'est. Ok. Je vais faire toi, mon ami le claustrophobe. Je suis pas claustrophobe, mais je suis claustrophobe. Tu es claustrophobe, mais t'es pas claustrophobe, mais t'es claustrophobe. C'est ça. Oui, mais tu es bien le claustrophobe. Et je suis le claustrophobe, mais je ne suis pas claustrophobe. Bah si, tu es claustrophobe. Mais non, mais je suis le... Mais je... Ta gueule. Mais donc bon voilà, tu arrives, toi tu es arrivé dans la salle du vieux Ping, les saboie partout, tout ça. Tu as bien sûr la tête à ta ceinture. Je ne sais pas si tu l'as mis dans un sac de jute. Ouais, non, tu es vraiment non, moi je suis un peu l'ancienne quoi. Oui, c'est attaché par les cheveux. Et on le suit à la trace. On reste 100% écolo. Okay. Oui, non, mais. Là, les sacs plastiques, c'est payant en plus. Oui, voilà. Puis le plastique, c'est existe. Et puis je l'ai passé lire un sac pour ça. Quoi. Donc, bref, je pense que je fais une entrée remarquée dans l'auberge. Avec une tête de quelqu'un qui. Je pense que quelqu'un qui est tout frais, oui, effectivement. Mais je pense aussi que quelques personnes doivent reconnaître, parce que j'imagine que les gens qui sont à l'auberge ne sont pas sans connaître la situation géopolitique du coin. Et je me dirige vers le bar pour contacter, donc pour parler avec un barman. Pour envoyer un message à mon cher commanditaire. La petite musique joyeuse alors qu'il se traite une tête décapitée. Ah mais vous êtes dans l'auberge, hein, sérieux. C'est, je vous rappelle que c'est quand même un lieu, un lieu plutôt tranquille. C'est tout à fait normal. Ok, le... Pour le coup, pour le coup, pour le coup. Oui, par le coup, par le coup. Bah, tu vois qu'en fait, oui, tu fais passer ton message, tout ça. Tu verras arriver un peu plus tard une troupe que tu reconnais tout de suite de la brigade civile. Avec leurs chapeaux, les plumes. Mais tu n'as pas le grand chef. Mais au vu, tu reconnais un des gars qui était sur le lieutenant. Des lieutenants. Voilà, des lieutenants du. De notre. Chef qui est le grand. Donc. Le gars arrive. Il voit la tête. C'est. Je vois que vous avez fini votre travail. Ya. Bah, t'es trop difficile. Ah, un chouette enfant. Non, je rigole, c'était pas tout de tout repos, mais on n'a pas rencontré de difficultés particulières. D'accord. Et. Le reste de son équipe? Quel reste? Très bien. Là, il a un sourire un peu carnassier, quoi. Tu vois, quand tu as dit ça, tu comprends que ça lui a fait plaisir, toi. Oui, il a dû. J'imagine qu'il a dû avoir quelques déboires avec la troupe. Quoi. C'est bon. Toi, il claque dans ses doigts. T'as un de ces gars, hop, qui ouvre, tu sais, un sac de jute et en attendant que tu fasses un peu l'offrande de sa tête, on récupère ça pour. Mais tu vois, je le fais pas. Je ne fais même pas mine de diriger ma tête ou quoi que ce soit. Je la garde avec le sac ouvert et je fais. Et le contrat? Le contrat. Et. Gars. Donc, je sais plus ce qu'on avait dit, mais surtout ça. Je sais pas. On n'avait pas parlé contrat, en fait. On avait juste dit qu'il était embauché et tu te démerdes. Ok. Bon, bah, il te fait. Ouais, le contrat. Ya. Ya, ya, ya, ya. Bon, tu vois qu'il sort une petite bourse et il te la met sur la table. Ya, ça, c'est mes honoraires. Et le contrat, le papier qui dit que j'ai bien rempli la mission, tout ça. Que je dois présenter à mon ordre. Ah, ça, bah oui, bah. Attends. Ya, c'est important. La paye, c'est bien. Le contrat qui valide l'acte, c'est mieux. Ouais, enfin, c'est, attends. C'est bien, enfin, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. c'est complémentaire. Essaye de rattraper. Alors, il fait. Ah, Gérard, ouais, vas-y, sors les trucs là. Et tu vois, en fait, t'avais un petit archiviste. Dans le lot, lui, tu sais, il a un plus petit chapeau, une plume. En fait, tu vois que la plume est multicolore, tu vois, de différentes couleurs, genre un peu de pan, plein de pan, tout ça. Et oui, je fais ça tout de suite. Hop, donc tu vois qu'il sans se ménager, toi, il enlève tout ce qu'il y a sur le bar, sur le comptoir. Tu vois qu'il sort de son sac de quoi écrire, sa tablette, tout son encre. Hop, il commence à écrire. Oui, alors, c'est quoi votre nom, monsieur? Alors, c'est claustrophobe. Claustrophobe. Claustrophobe. Je vais pas me répéter. Okay. Oui, d'accord. Non, mais désolé. J'ai pas l'habitude c'est la première journée. De vos accents. Vous êtes d'où? Tu vois qu'il essaie Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Ah oui. Vous êtes doux. De toi, tu vois. Vous êtes doux seulement après avoir pris un bain. Non, vous êtes doux. Oui. Très soyeux même. Je suis soyeux parce que j'ai pris de la Michelin. Bonjour, je suis le poil fif et l'œil soyeux. Aïe aïe aïe. Non, ça, du coup, il va écrire claustrophobe de oui. Je suis de la région des contreforts de la cuisine, de la chair manique. Contreforts de la cuisine. Ça, à côté du fameux four de Bosch. Exactement, tout à fait. Dans la région de la chair manique. Moi, je ferai gaffe avec les fours et les Bosch. Hein. T'inquiète pas, ils sont auto-nettoyants, c'est Bosch. J'ai eu de problème avec les fours. Bosch, un travail de pro. Bon, c'est bon, on a fait le tour. C'est ça, je crois qu'on a fait toutes les conneries que possible. Bon, les... tu vois que bon, hop, il note les trucs, tout ça. Il chope une bougie quelque part, paf, tu vois qu'il sort son petit truc pour faire le oui, il scelle le saut, papier. Paf, il scelle. Tu vois qu'au moment où il a sorti quand même le saut, hein, les gardes se sont quand même bien fait gaffe. Tu comprends ouais. Que... Oui, c'est un saut officiel, quoi. C'est un truc officiel et que... bah, que ça a une certaine importance. Et te dès que hop voilà il, donc hop le Sam enfin le truc classique tac et il te le fournit. Ah je suis plutôt content, j'ai réussi une belle calligraphie là en si peu de temps. Vous allez m'en dire des nouvelles hein. Non. J'ai fait un magnifique papier, comment vous voulez que je vous dise des nouvelles? Vous m'avez même pas laissé le temps de relire. C'est pour dire que vous avez bien fait votre contrat et que vous avez bien tué Monsieur Satronche. C'est bien ça? Tiens, mais comment je peux admirer votre calligraphie? Bah, vous le regardez, enfin... Comment vous avez scellé le papier? Je ne peux pas l'ouvrir. Comment on dit stupide en allemand? Hein? Comment on dit stupide en allemand? Bah, ça dépend. Mais là, tu cherches plutôt idiot, non? Oui. Quelque chose, bah, Dummkopf. Dummkopf? Voilà. Ok, Dummkopf. Et je prends le papier et je le range dans ma poche intérieure de ma veste. Ouais, enfin... Ok, merci. Tu as le chef. Il fait, bon, ok. Voilà, il en a fini, là. Ok, bah, ouais, il range tes trucs, là, Gérard. Là, bon, En tout cas, Allez, notre chef. Vous lui passerez mes amitiés. Oui, vous lui passerez mes amitiés. Et si jamais il y a autre chose à faire, je suis actuellement disponible. Ouais, bah je garde ça en tête. On aura peut-être besoin de vous sur d'autres choses. Gardez ça en tête, très très drôle, très chute-mot, très fin. Et là, je tends la tête. Et là, je lui tends la tête, du mec. Ah, désolé, j'ai pas compris. T'as fait quoi? Non, mais ça se voit, j'ai très mal. Non, mais quand le mec, il faut, je garde ça en tête, je fais ya. Cartez ça en tête, très ponche tes mots. Et je lui j'enlève la tête de ma ceinture et je lui tends. D'accord, ok. Très bien. C'est très bien, non, mais c'est génial. tu vois que t'as le gars qui avait le truc, il la prend, il la met dans le truc, paf, il fait... Bon, si vous voulez que ça se conserve plus longtemps, je vous conseille de garder ça dans la glace. La quoi? De l'eau très très froide. Ah, sous forme de cube de cailloux. Il va mettre des graviers qui ont été mouillés avec de l'eau très froide. J'en ai rien à foutre. Je lui donne des conseils de professionnel, tu vois. Bon, tu vois qu'il te regarde, il fait ouais, bon, de toute façon, ouais, vous inquiétez pas. Après, fut la tête en soi, une belle pique décorée, ça peut très bien faire l'affaire. Hein. Non mais qu'est-ce qu'il mérite? Non mais non, vous inquiétez pas. Ok, bah je. Yeah. On vous recontactera. Yeah, avec plaisir. Et là, toi, il tape dans ses mains et il dit bon les gars, hop, on a des choses à faire ailleurs. Et ça va. À faire ailleurs, très bon jeu de mots. Le tot est libre. Ok, pardon. Ok. Donc, pour. Et du coup, j'ai gagné combien de thunes? Je vais te donner ça après. Oui, tu mets sur ma fiche, hein. Je te fais confiance. Oui, mais en plus, ouais, je suis obligé de mettre dans ta fiche. Oui, parce que du coup, j'ai pas le. Tout à fait. Alors. Carrément, il se paye le luxe d'avoir le MJ en comptable, quoi. Oui. Ah, oui, mais attends. Heinrich, tu es à. Moins 500. Non, moi je fais ma nom et moi je fais ma comptabilité moi-même, s'il vous plaît, hein. Je suis pas un assisté comme l'autre. Enfin bon. Ok. On est d'accord que voilà, c'est passé. On va passer à l'arbitre. Est-ce que. Non, je vais poser une question, Célène. Oui. Toi, est-ce que tu vas être avec les 7 gars et l'arbitre là qui viennent d'arriver, ou tu veux faire quelque chose de particulier en fait? Voilà. En fait, avec la musique qu'il y avait, j'étais occupée d'imaginer Célène commencer à ne plus faire attention à ce qui se passait et de partir danser, tu vois. Donc je pense qu'elle est partie vagabonder et elle reviendra si on l'appelle. D'accord, ok. Bon, bah, on va passer vite fait alors à côté. Bon bah, Mister l'arbitre. Oui. Bon bah, tu t'es rentré dans la taverne avec 7 gars qui te suivent. Voilà. Plus ou moins entrés dans les pieds, hein, selon certains, mais ils sont plutôt contents. Les survivants vous remercient vite fait et se barrent ailleurs. Les sept gars de ta compagnie. Hello, le. Ce sont les marqués. Petite précision. Oui. Juste petite précision. Par contre, je vois bien mon esprit suivre justement Arbiter pour voir ce qui va se passer. Okay. Glorious things. Ok. Du coup, se faire entendre de temps en temps, tu vois. Voilà. Très bien. Bah tu. Grump. Tu vois qu'il y a des voilà les gars qui prennent une table, commencent à commander. Enfin voilà, tu vois que certains sont des habitués, hein, clairement. D'autres peut-être un peu moins, mais. Ils te regardent en mode bon, toi ils attendent de savoir ce que tu vas faire en fait. Eh bien, je vais m'asseoir à la table. C'est une table ronde ou c'est une table rectangulaire? Bah plutôt rectangulaire là. Clairement. Ok, du coup je m'assois en bout de table. Et je les laisse commander leur truc tranquillement. Et du coup, bah je les laisse commander leur truc tranquillement et je les laisse manger et boire ce qu'ils veulent. En observant ainsi. Ok, moi tu vois que c'est tout de suite chercher un peu des trucs à bouffer, clairement un peu de pinard qui ne casserait pas trois pattes à un canard. Mm-hmm. Et pour le coup voilà, ils commencent à bouffer tout ça, ça discute, mais toi c'est, il y a pas non plus une grosse joie, hein. T'en as certains peut-être un peu plus, mais tu vois que chacun te regarde, lance un coup d'œil vers toi. Mm-hmm. ils savent pas trop sur quel pied danser, quoi, encore, quoi. C'est ça. Non, je comprends, je comprends. Du coup, je, une fois qu'ils auront fini, je leur dis, bien, bah, l'entraînement commence demain à 6h. Ne soyez pas en retard. Entraînement de quoi? Enfin, où ça? Soyez demain, ici à 6h. Demain, 6h. Ouais, enfin... ok, enfin... Toi, ils se regardent un peu. Il y en a un qui va peut-être celui-là qui sera plus tard le gars qui sera peut-être un peu plus zélé, qui ira se lever et qui partira par exemple chercher vite fait peut-être un endroit où dormir, mm-hmm. tout ça. Tu vois qu'il y a une partie du groupe qui va rester pour fêter, enfin voilà, de en manger tout ça. Mm-hmm. Donc il y a pas de souci. Clairement, toi, le lendemain, si on fait le truc, enfin, on va faire toute la scène sur la durée, même si on fera les trucs. 6 heures, le... tu verras une partie des gars qui sont là et d'autres, clairement, qui sont pas là, quoi. On va dire, toi, t'as 4 gars qui sont présents et t'en as 3 autres qui sont clairement absents. Du coup, bah, en voyant les 4 qui sont là, je fais. Et les autres Enfin, il y a les gars, je crois qu'ils dorment encore. Enfin, je pense. En tout cas. Ouh. J'ai vu Jean, il était sous la table en train de dormir. Et du coup, je vais voir sous la table pour voir s'il est là. Ouais, tu cherches un peu, tu arrives à le voir à un moment sous une des tables. Clairement, allongé sous une des tables, pas seul parce que c'est pas les seuls à dormir sur les tables, mais avec une des bouteilles. Clairement, à côté. Je le chope par le col et il va sortir de façon très rapide et probablement atterrir dans une flaque dehors. Là, t'auras mon esprit qui va se marrer, mais que tout le monde va l'entendre. Bon, faut voir que là, comme s'il faut qu'une fenêtre y passe, une fenêtre y passera. Bah, à toi de voir, parce que ce que j'allais t'expliquer le truc, c'est que on est chez le vieux Ping, hein, je vous rappelle, donc où la violence, je mets entre guillemets. N'est pas autorisé dans le sens les combats, en tout cas les échafaudés. Donc toi, si tu commences déjà à traîner un quelqu'un et le balancer dehors, tu vois qu'il y a des gros bras en fait qui étaient peut-être dans un coin, qui se lèvent d'un coup, quoi, et tu comprends tout de suite que c'est des gars à Ping, quoi. C'est clairement... oui, non, bien sûr. Ping, il a son armure. C'est pas une altercation, hein, c'est moi qui le réveille, hein. Oui, non mais tu... Ouais, ouais. Tu vois qu'ils réagissent, quoi. C'est toi le genre d'événement où ils sont payés pour réagir, quoi. Et oui, il a son armée perso, Ping. T'inquiète pas. Non. Elle n'est rien face à moi. Le mec, il pourrait choper la ville tout seul, tu vois. C'est 25 ans, 4 mois, 3 et 6 jours plus tard. Ping contrôle le monde. Non, et du coup, une fois qu'il est à peu près réveillé, ouais, les deux derniers, ouais, non, mais... le gars, toi, il se lève et fait ouais, quoi, oui, non, non, ne me tapez pas. Les deux autres, Bah, surtout, c'est qu'il vient se réveiller, il a une armure géante qui a un jour avant a tué la plupart de ses gars. Donc oui, voilà, la réaction. Et un rire d'outre-tombe qui vient d'on ne sait où. C'est ça, et le rire d'outre-tombe, voilà, n'aide pas du tout. C'est ça. Non, mais je le regarde, entre guillemets, droit dans les yeux. Les autres, où sont-ils? Je crois que... ils sont peut-être... Enfin, ils étaient partis du côté du Krav Maga. Va les chercher. Je sais pas où ils sont. Ok. tu vois qu'il hop, il court tout ça. Les gros bras de Ping te regardent un peu, tu sais, en mode méchant quoi. Tu vois bien qu'ils sont un peu impressionnés par rapport à ta carrure et tout ça, mais clairement ils sont quand même prêts à y aller si ça dérape. Hein. Le regard rebondit tête des flèches sur mon armure. Voilà, mais pour donner un peu le. Oui. Il tolère pas le bullshit quoi. Non, on est d'accord. C'est ça. Tu comprends que pour qu'il soit prêt quand même à venir te emmerder quelqu'un comme toi, c'est qu'ils sont très confiants en tout cas. Ils sont confiants, oui. Ou inconscients, ou les deux. Peut-être les deux. Ou très très bien payés. Ou peut-être extrêmement bien payés. Il y a des chances vu comment ça tourne. Hein, ici. C'est ça. Vous avez la couverture dentaire. Donc bon bah tu vois qu'un peu plus tard t'as l'autre gars qui t'as Jean qui arrive avec avec les deux autres ouais mais je vous ai les trouvés enfin et toi t'as les autres ouais non mais excusez-nous on avait pas vu enfin on connaît pas l'heure. Et là, inacceptable. Attends, t'as mon esprit qui dit mensonge. L'esprit qui est quelque part en train de m'aider sans faire exprès. Non mais ça l'amuse. Ok. Je vais peut-être finir par commencer à l'apprécier ce truc. Donc voilà, tu vois que bon bah ta carrure plus les murmures qui sortent d'un de ses os. Bon, clairement, on joue en ta faveur. C'est ça. Désolé. Inacceptable. Allez, 25 tours de l'auberge en courant. 25. Et là, elle va compter. 1. 2. Bon, ça compte quand même que pour ouais, mais je leur fais un entraînement, mais en mode draconien. Hein, c'est genre, ça vous faites 25 tours de l'auberge en courant. Mais non, moi je me fais à cheval parce que moi je suis pas con, hein, je suis pas un techno. Bah, surtout que si tu leur dis de faire le tour de l'auberge, je rappelle que l'auberge c'est un. Ah non, elle est immense, je sais. C'est ils avaient qu'à être à l'heure. Voilà, c'est comme j'expliquais, hein, c'est quand même assez un pâté de maison, quand même, le truc. Donc ouais, vous commencez, ils commencent un tour, voilà, ils vont clairement en chier. Ah non, mais moi, tu verras que y a quand même spartiate, le truc, hein. tu vois que t'as des personnes qui vont voir ça, toi, soit des gars qui finissent leur soirée ou des gars qui se commencent leur matinée. Ouais, c'est ça, c'est comme je dis, comme le il y a toujours de la vie dans cette auberge. Tu vois que ça va faire un peu attraction quoi. Tu vois qu'il y a certains qui vont se marrer, d'autres qui vont quand même regarder. Tu vois qu'il y en a certains qui vont commencer tu vas voir un bookmaker de Ping qui va commencer à prendre les paris. En fait. Qui va tomber en premier. C'est ça. Non, mais voilà, il y a vraiment ça. Toi, il y a un événement imprévu, mais il y a pas de petit profit. Clairement, tu vois qu'il y a toutes les équipes de Ping qui sont mis sur le sujet et qu'il y a tout de suite les paris qui sont arrivés. C'est le moment, il y a un truc où on peut parier, le truc où on peut gagner de l'argent, le truc où t'as les gars qui regardent, tu vois que t'as les gens qui les personnes, les serveuses qui vont arriver avec des boissons, tu sais, tout autour des personnes qui sortent ou qui regardent par les fenêtres, enfin voilà. Tu vois que ça animé un truc. Et au point où tu vois que l'esprit et toi voir de façon très subtile le ping passer, s'arrêter, regarder dehors un petit moment et repartir faire quelque chose d'autre, je ne savais pas, mais voilà, vous voyez que ping s'est intéressé à la chose. Et du coup à un moment quand je vois le bookmaker commencer à prendre les paris, je vais Je vais légèrement dévier ma route pour m'approcher de lui. Je prendrai ma part quand ce sera fini. Et je repars. Il est en train de profiter. S'il a un peu le temps pour répondre. Ouais. Oui, non, c'est ça. Mais... Donc, tu vois qu'il te regarde vite fait et il fait. Le classique, hein, vous prenez les 6%, le reste c'est au ping. Ça marche. Tu vois qu'en fait. Non, c'est plus ça. Cet accord est acceptable pour l'arbitre. Tu vois en fait que c'est vraiment. En plus, il a pas attendu pour ça. En fait, il l'a sorti direct. Ça a l'air d'être quelque chose habituel, quoi. Vraiment. Oui, bah oui, je m'en doute. C'est ça. Et merci pour le follow, Chris. Donc voilà, il y a ce petit moment. En fait, ça a un peu. Et si je vois qu'il y en a un qui commence à traîner un peu, il y a un hennissement de cheval zombie derrière lui qui va commencer qui va le remotiver, je pense. Bah tu vois voilà que ça a un peu il y a un peu galéré le celui-là qui s'en sort le mieux c'est Jean. Tu vois, c'est le gars qui pourtant t'aurais pas parié un pécor sur lui au vu du qui semblait encore avoir l'haleine bien alcoolisée quand tu l'as réveillé sorti d'en dessous de la table, c'est ça. Mais le gars a l'air d'être un bon c'est bien. Un bon gars, toi. En tout cas, il est solide. C'est un bon gars. Ça galère. Toi, tu sais que sur le tas, il y en a deux qui galèrent. D'autres, enfin voilà. Bah, de toute façon, tu remarques que c'est peut-être pas les meilleurs guerriers que possible. Mais le reste semble plutôt pas trop mal s'en sortir malgré les la chose. Quoi. Ah non, mais jusqu'à hier, c'était des pecnos. J'en ferai des guerriers. Des marches ou crèves et des va-t-en-guerre. C'est ça. Et après les 25 tours de l'auberge, il y a 100 pompes et après c'est entraînement au combat à main nue. Ok, tac. Participer à l'entraînement. Je me ferai un plaisir d'apprendre comment on fait. Tu sais, je fais un petit geste, tu sais, pendant qu'ils sont en train d'essayer de faire du pugilat, c'est leur mode de vas-y. Ok, bah on. Et une fois que ça s'est fait, il y a re 25 tours de l'auberge, hein. Enfin bon, pour ceux qui sont encore en vie. C'est ça. Et après, ils ont droit au déjeuner. Hunger Games. Ok. Évidemment, enfin, à la fin de la journée, c'est. Ici, 6h. Et tu les réveilles à 5 parce que faut qu'ils soient toujours prêts. Non. On les réveille à 6h parce que j'ai dit que ça serait 6h. Un magicien n'est jamais en retard. Mais non, mais faut les réveiller à 5h. Bah, merci. Donc, voilà. Voilà, tu as lancé un peu le truc. Tu vas le faire de façon régulière, tu veux. Oui, bien sûr. Okay. C'est... D'accord. Ce seront mes combattants. Très bien. Non, mais y a pas. Mes âmes vivantes. Donc toi, ça va se faire. Tu vas voir qu'il y a il y aura le petit rituel en fait des paris du matin qui vont se faire comme ça. Et en fait, je vais prendre les profits et je vais le réinvestir dans eux en leur achetant du meilleur matériel, des vraies armures, un uniforme. Ce sera des robes noires hein, parce que bon, elles restent dans le classique. Avec la rune, quand même, c'est les marqués. Ah, oui. Sinon, voilà. Et du coup, et comme je leur achète des armures, ça va leur faire une charge supplémentaire à porter pendant l'entraînement, ce qui va les rendre encore meilleurs. Voilà, je vous achète une armure. Oh, il est sympa. Vous allez non, devoir la garder. Vous dormirez avec. Mais c'est pas possible. Mais je fais comment, moi? Faut que vous soyez prêts en tout temps au combat. On sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. En plus, dormir en... Alors, si c'est des armures légères, ça va, mais dormir en armure, c'est hyper inconfortable. Oui. Alors déjà, une armure tout court, c'est hyper inconfortable. C'est ça. Voilà. Très bien. Moi, j'ai le problème en n'ayant pas besoin de dormir. Voilà, non, mais je prends le truc, voilà, ouais. Que tout se fait, voilà. Donc ça, après, vous prenez le temps, enfin, voilà, on verra après le temps que vous oui, bien vous sûr, allez passer ouais. Tout ça là-dessus. Mais je... Ok. D'accord, d'accord. Tac, tac, tac, tac. Je suis en train de noter mes trucs. Donc, Très bien, très bien. Voilà, j'ai envie de te... Enfin, voilà. Je sais pas si ce que tu veux faire, toi, Célène, si tu vois quelque chose que faire en scène, un peu de ton côté. De Craps Maga ? Ouais, ça, c'est ce que j'ai pensé faire avec Célène. En tout cas, son esprit est clairement occupé de s'amuser à effrayer les petits. À effrayer les mecs qui font le montage training des années 80. Mais c'est oui toi ils vont monter des escaliers jusqu'à une statue sous un voilà oui avec God of Fly Now en fond sonore voilà ça ou comme un homme tu sais oui non, vu qu'on a Schwarzy, on peut bien mettre Rambo. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ah, je confirme. Rambo, c'est ça. Enfin, c'est pas Rambo, mais bon. C'est, okay. C'est une sous-branche du cul de Schwarzy et Schwarzenegger, tu vois. Donc. Ok, donc ouais, toi, tu vas plutôt te mettre sur les jeux de hasard ouais. Et tout ça. Enfin, hasard ou pas, parce que personne ne connaît les règles de ce jeu. Personne ne sait si c'est réellement du hasard. Comment tu gères la chose? Vas-y, explique-moi un peu comment tu tentes les trucs. Comme la dernière fois. Sauf que cette fois, je prendrai un autre objet au hasard et je ferai un geste que j'ai vu. Et après, je verrai bien ce que dira le mec qui gère la table. Ah, j'ai gagné, super. Ok, tu vois que tu fais tes trucs, voilà, tu prends en fait les dominos qu'ils te donnent, tu comprends pas au quel moment toi tu fais chacun les met de sa façon dans son coin, chacun en train de se regarder, genre en train de regarder les dominos, tout ça, d'un seul coup t'as le croupier qui sort. Là, t'as chacun qui met vite fait un domino par terre sur le truc face visible. Tu es un peu la dernière parce que tu réagis un peu au. Mais je le mets truc. Sur la tête. Je le mets sur ma tête. Tu mets sur ta tête. Je le mets sur ma tête. Ok, d'accord. Tu mets sur ta tête. Là, t'as l'ensemble des gars qui te regardent en se posant la question. Et là, t'as le comment. Le fameux croupier qui fait double mise. Hop, et 4K qui relance le. Toi les gars qui grognent, qui relancent un truc. Et là ils attendent encore ta ton action. À ce moment-là, je le mets dans ma chope de bière. Et je bois cul sec. C'est un cul sec! C'est un cul sec! De la cervoise! tu vois qui fait ça, et là, toi, tu vois qui est. Il te regarde, toi, un peu, toi, il fait. Je comprends pas, vous voulez quoi là? À ce moment-là, je retire la tuile de ma bouche et je fais voilà! Et je le pose devant lui. Et c'est une tuile jaune. Une tuile jaune. Non, mais vas-y. Donc toi, tu sors la tuile jaune. T'as le gars, il fait. Et je rends. Attends. Et avant, je mets la tuile jaune devant moi. Et à ce moment-là, je retourne la chope qui est vide et je le mets juste au-dessus. Voilà, c'est vide. tu vois qu'il fait. Ouais, mais c'est la tuile d'or. Tu as les autres, t'as les autres, toi qui gueulent en mode putain, ils ont perdu quoi. C'est bon, ça, c'est bon. Ok, bon, il te donne les paris toi, du premier truc, tout ça. Tu vois, tu vas continuer un peu comme ça en mode un peu hasard ou t'essayes de comprendre un peu le truc. Ah non, je continue au hasard, je trouve ça marrant. D'accord. Ok. Bon, on va dire que voilà, tu fais les choses. Des trucs what the fuck, des fois les trucs qui passent, il n'y a pas de souci. D'autres, où le gars te regarde en disant oui, non, mais on attend que vous jouiez. Tu vois qu'il y a des moments, il y a des changements, Chili, de table, des trucs, tout ça. La roue qui tourne et d'un seul coup, tu entends une autre table qui fait Yadja! Tu comprends pas, à chaque fois, il y a un nom différent sur chaque table et tout ça. En gros, c'est le gros n'importe quoi, mais c'est le Krav Maga. Et tu vas me lancer 2d6. Voilà. Ok. Attends, c'est 2d6. Flash R2d6. Ok, 9. Bah, tu fais 9, donc c'est une réussite partielle. Tu vas réussir à sortir un peu d'argent de la chose. Peut-être pas grand chose. Mais voilà, je vais te laisser le choix en fait. Tu vas te faire repérer par un groupe. Mais je te laisse savoir le groupe qui te repère. En fait, t'as des gars de la brigade civile. Ouais. T'as des gars de la guilde des aventuriers. Ouais. Dans truc. Tu as des gars un peu bizarres qui sont tout de comment de merde, je suis en train de chercher. J'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, de genre d'habits de jute, toi, le truc super, super chiant, de galère, tout ça. Que si tu poses la question, on te dit ouais, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est les druides. Ils sont un peu cons, mais. Enfin, ils payent bien. Surtout leurs champignons. Excellent. Ah les fameux champignons. Voilà, toi. Et donc, voilà, tu as donc la guilde des aventuriers, la brigade civile, les druides. Voilà, c'est surtout eux. Et après, t'as des petits groupes de gangs, mais qui ne méritent pas d'être remontés. Je vais choisir les druides. Ok, d'accord. Donc, c'est. Note dans un coin qu'il y a les druides qui sont repérés. This is not the druids you are looking for. Voilà, c'est noté. Très bien, très bien. Attends, il n'y a pas l'info sur le live. Quelle est la composition de votre équipe? Ah là, l'équipe est un peu dans tous les sens. alors, je vais juste refaire vite fait. C'est Arbiter, c'est une armure vivante. Entendu, c'est un chevalier noir. On a Selene qui joue une. Une spirit. Une spirit, voilà. Qui est habitée par un esprit qui ressemble à une sorte de banshee avec des yeux rouges. C'est ça, claustrophobe qui lui est un exécuteur en fait, voilà. Le dernier, Heinrich Fuchscroft. Je vais jamais y arriver, putain, désolé. Fuchscroft. Voilà, comme il a dit, et qui est un archéologue, voilà. Un nana archéologue. C'est joli. Ok, très bien, très bien. Ouais, tu te l'as parce que t'es. La personne, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Ouais, j'ai pas entendu non plus. Ouais, moi la devine. Je crois que ça finit en ou derrière. C'est ça. Voilà. Ok. Bah voilà, tu vas ressortir aussi avec un peu d'argent. Que tu pourras réinvestir un peu après. Mais ce qui est important, c'est voilà, c'est que ton côté un peu déluré aura passé inaperçu, et entre autres de ce fameux groupe de druides. Ça sent pas le loyal bon dans tout ça. Eh, ça reste des héros. Mais de drôles de héros, mais des héros. Alors si la question on a, est-ce qu'on a des palaploufs, non. Clairement pas. Ouais, enfin il y en a un, hein. Il a tout à fait la capacité de faire plouf, hein. Mais, oui, mais il est pas là. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Évidemment. Ouais, non, mais je suis distrait. Stray. Très bien, très bien. Alors, notre archéologue, donc ouais, t'as fini un peu de regarder ça de ton côté. Toi, qu'est-ce que tu fais d'autre un peu dans cette auberge Qu'est-ce que tu vas faire, toi, peut-être des trucs. Tu remarqueras que tu auras revu un peu ton on va dire némésis entre guillemets. En tout cas, lui te prend pour son némésis, le fameux Yann Howie. L'autre chasseur. Soit disant abandonné mort. Oui, qui... Non, mais c'est un malentendu, je vous dis. Je veux dire, voilà, à un moment ou à l'autre, faut comprendre aussi, dans le feu de l'action, il y a des choses qui se passent. C'est l'autre qui prend tout de travers aussi. Je ne l'ai pas pris de travers. Tu l'as laissé, tu m'as laissé pour mort, je l'ai dit. Eh ben, t'as qu'à moins bien faire le mort la prochaine fois. Voilà. Non, mais je fais... Je pense que ce qu'il a pris de travers, c'est ta façon d'être. Je t'ai pas demandé ton avis, que je sache. Je n'ai rien à foutre. Oui, bah écoute, va donc voir là-bas si j'y suis. Et tu vois que bon, bah voilà, il partait pour s'énerver et au bout d'un moment, il te regarde quand même, il se barre, il se retourne et fait... Je t'aurai un jour, tu verras. Je serai le meilleur des chasseurs. Oui, d'accord. Donc tout d'un coup, claustrophobe vend des assurances, visiblement. Assurance tout risque. C'est ça. Et apparemment, les archéologues, ils commencent leur voyage à 10 ans. Et c'est ça. Et il y a une ligue des archéologues et il faut battre les quatre. C'est pas qu'il y a une ligue des archéologues, hein. Il y a un gang, c'est la guilde des aventuriers, chasseurs de trésors. Hein. Voilà. Et notre gang, je vote pour que ce soit les Team Rocket, parce que Team Rocket les tue. Les quoi les? Attends, j'ai pas entendu. La Team Rocket, la Team le tue, la Team Iceberg. Voilà, exactement. D'accord, ok. D'accord. Le gang des lits. Eh, je viens de dire un truc, j'ai envie de te demander un truc. Est-ce que t'es pas en train de raconter des salades? Du tout. Non. Moi, tout ce que je dis, c'est il faut rendre à César, tu vois, donc bon. C'est impossible d'attraper les tous. Bon, donc tu fais monter la sauce avec ce fameux gang de l'étude. Voilà, tout à fait, exactement. Fais gaffe que ça part pas en vinaigrette. Hein. Non, c'est. D'ailleurs, je dirais même que ça sent un peu la moutarde, hein. C'est bon, on les a toutes faites, il n'y en a pas d'autres qui veulent sortir. Oui, mais après, si tant que de poisson, je sais pas, moi tout ce qui me vient c'est salade niçoise. Oui, je cherche un truc avec niçoise aussi, mais j'ai rien. Du coup, par défaut, on a fait le tour, du coup, hein. Je pense, ouais. Bon, tu peux, hein, oui, après, sinon, j'avais l'idée d'intégrer le bal avec un balsamique, mais j'avais pas non plus. Ou niçoise, ni zassi, ou ni... Je sais pas, dans ouais. Peut-être un vanini à faire, mais bon... Je sais pas. Mais bon, Bon voilà, tu vois que tu le reverras plusieurs fois en fait, ce Yann. Hein, à chaque fois, bah, il a l'air d'essayer de trouver d'autres infos pour un autre lieu à visiter, tout ça. Enfin, toi, tu comprends qu'il est en train de balader pour se choper des infos. Et bon, bah, vous avez souvent des petites intercations, merci. Tu sais, des petites montées de voix, toi qui qui le prend très bien en mode, mais non, je n'ai rien fait, bien entendu. C'est toi qui as tout mal compris la scène. C'est. Ah oui, mais c'est vrai, en plus, c'est lui qui comprend toujours tout de travers. Hein. C'est, je veux dire, après, moi, je veux bien lui expliquer et essayer d'être de bonne foi, mais au bout d'un moment, quand même, c'est. Il est têtu, le monsieur. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de polygraphe quelque part sur la table, sinon il aurait déjà explosé. Oui, bah, tu. Voilà, il y a. En tout cas, voilà, il y a des petits moments, on va dire tendus, dans le sens où c'est voilà, ça se lance des petites piques, tout ça peut-être entre vous. Mais qu'est-ce que tu fais autre toi à part ces petits moments, voilà, un peu, tu prends peut-être te détente. Est-ce que tu Tu verras qu'il y a une petite rumeur vite fait que t'as entendu à droite à gauche que un certain Heinrich aurait sauvé des gens. Hein. Voilà. Ah bah oui. Mais voilà. Bah du coup à chaque fois que j'entends cette rumeur, surtout s'il y a de la demoiselle dans le coin, je me présente, Heinrich Fuchscroft. C'est de moi qu'on parle. Ah, tu verras que bon bah ça fonctionne plutôt bien, les gens font ah c'est vous ouais venez boire un verre avec c'est pas souvent qu'on a des personnes qui viennent aider un peu les gens comme nous hein. Les gens du cru. Oui parce que les crus, non les tu crus, non c'est pas, désolé. Vas-y. Oui, ok, d'accord, oui je pense qu'il est essayé de partir sur la salade voilà. Mais c'est la mayonnaise a pas pris. Ouais. Tout à fait. Exactement. Non mais. C'est tellement la salade dans ma tête maintenant que voilà. Je suis désolé. Ah bah sors-nous une feuille de chou. Hein. Ouais. J'en profite pour draguer un petit peu et puis si il y a Céline dans le coin, ben du coup. Céline qui continue de jouer. On va tenter une approche une fois de temps en temps sur Céline aussi, hein, parce que je veux dire. Ça est-ce qu'elle pas. Gagne Céline? Moi, c'est la question que je me pose. Une fois oui, une fois non. Comme j'ai dit, c'est que elle réussira à sortir un peu d'argent de la chose. D'accord. Donc elle gagne, des fois elle perd, mais elle sait pas pourquoi. Ouais, étendre des moves, quoi. C'est ça. Ça, c'est des strats de pro, ça. Tenter les moves, la meilleure solution. Et sinon, vu qu'il y a mon concurrent, entre guillemets, hein, qui se renseigne sur des trucs, bah du coup, je laisse quand même traîner une petite oreille pour voir... ce qu'il en est, si effectivement il est sur une piste ou pas, et voilà, histoire d'essayer de le griller, tu vois, quand même, parce que merde, au bout d'un moment. Non, parce que attends, entre lui et moi, clairement, c'est moi qui vais pouvoir le mieux secourir des reliques et les faire revenir à qui de droit, hein, soyons honnêtes. C'est ton second nom, ça, de souvenir. Hein. Tout à fait. Heinrich Honnête Fuchscroft, c'est... Ça veut dire qui de droit, mais dans une autre langue. C'est ça. En germanique. Ok. Moi, vu que j'ai plus beaucoup vraiment de taf, je vois le... Il doit bien y avoir un tableau des primes qui traîne quelque part. Ouais, je vais te dire ça. Je suis juste en train de rechercher un truc là pour Monsieur Fouscroft. C'est bien, je pensais avoir noter ça quelque part. Je sais que je l'ai là. Oui, voilà. T'entends un peu des deux trois trucs, voilà, vite fait, qui parlent en fait de reliques des anciens, en fait, les anciens héros. Tu vois que notre ami est en train de chercher une chose qui est connue sous le nom du totem du basilic. Ce truc là la raison pour laquelle quelqu'un voudrait ce bidule est inconnue, mais voilà, il pense avoir entendu des, enfin d'avoir, il pense avoir une piste intéressante, mais tu vois qu'il essaye de choper d'autres infos, des trucs comme ça. Le totem du basilic, bien sûr, c'est pour mieux pouvoir assaisonner sa salade. C'est ça. Mais évidemment. Ça sert à ça. Oui, c'est... Encore une histoire qui veut tourner au vinaigre. En plus, de mémoire, on avait vraiment appelé ça le totem du basilic. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Donc ouais, bah du coup je vais faire des recherches sur le totem, et puis je vais en profiter pour compléter mes recherches avec mon petit bouquin. Doit bien y avoir quelque chose de marqué dessus dans mon bouquin, hein, voilà, n'est-ce pas Bah tu, dans ton bouquin, voilà, en faisant les trucs, clairement le bouquin va remonter que ben il y a bien eu quelque chose lié à un gros serpent. Mais il était tout nul, il prévoyait même pas l'avenir, franchement. Ouais, voilà. Alors c'était pas lui le... Oui, mais bon, tu sais, avec le temps, les légendes se mélangent, tout ça, tout ça. Ouais, sauf que là, t'as le livre qui permet d'éviter un peu le mélange des trucs, donc, oui, bah, sauf que tu... T'as un petit truc, oui, bah, qui t'explique un peu qu'il y a bien eu, une chose qui a été combattue, ce fameux... Basilic, je vais pas y arriver avec ce... Basilic. Basilic. Oui, non, mais en tant que dyslexique, à un moment donné, il y a dyslexique. Merci. C'est trop chiant. Donc, pour le coup, les choses sont... tu comprends que les choses sont un peu... Ce n'est pas un totem, en fait, apparemment, en tout cas, il n'y a rien qui parle de ça, mais il y a un petit mot, en fait, qui est marqué en disant que il y a un des héros qui avait attrapé la maladie, tout ça, et que il connaissait un moyen peut-être de soigner la maladie, quoi, mais c'était bien un totem, mais pas un totem de basilic, en fait. Voilà. Donc en fait il y a eu un mélange entre le basilic et le totem qui permet de guérir en fait la maladie qu'avait eu un des anciens. Donc c'est un totem en fait des Nawak. Des Nawak. Oui, non mais. Alors, je peux pas me souvenir de toutes les conneries qu'on a senties. Non, alors, non, oui, c'est beaucoup trop compliqué. Mais non, alors... parce qu'en fait, tu te souviens, il y avait les n'importe Nawak aussi, parce que du coup, comme oui, ça. Oui, non, voilà, mais. Il nous faudra un compendium pour ce. Alors, le Nawak est donc en fait. les nains indiens. Oui, voilà. Je savais que c'était une connerie du genre. Tu vois, c'était les nains qui se trouvaient là avant la ville, en fait. Oui, oui, voilà. Oui. Bah oui, c'est. Oui. Élémentaire, voyons. Oui, bah oui, non mais obviously, voyons, mais oui, clairement, hein, c'est d'une logique implacable. Je vous rappelle, c'est vous qui m'avez inventé tout ça. Oui, oui, on commence tout doucement à le regretter. Donc voilà, voilà, il y a, tu comprends que. Je regrette pas, je redécouvre nos conneries. En tout cas, voilà, tu découvres en fait un truc que tu n'avais pas entendu du côté de ton rival. C'est que ben c'est pas un objet des héros, mais c'est un objet Nawak. C'est le fameux truc qu'il recherche. Ok. Donc, ah bah oui. Donc. Du coup, en toute logique, si c'est un objet Nawak, j'ai plus de chances de le trouver du côté de chez les nains chromants, vu que le mur il est construit par-dessus les vieux cimetières indiens. Bah, la logique voudrait, en tout cas la première logique voudrait que ce soit plus par là-bas. Et bah du coup je vais commencer à me renseigner sur l'école de nacromancie pour m'introduire dans les sous-sols de l'école de nacromancie. Et pour ça du coup je vais faire des recherches sur le donjon. Bah je vais déjà te donner une info toute simple. Tu connais une entrée en fait. Oui, mais justement, mais on est parti un peu à la hâte, etc. Mais je veux dire, là, je veux vraiment bien me renseigner. Histoire d'en apprendre un peu plus, tout ça. Parce que bon, la dernière fois, on n'avait pas vraiment le temps de faire une visite guidée, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais alors, tu veux gérer ça comment, en fait? Tu vas chercher l'info comme ça. Alors, comme ça. Voilà, donc j'ai fait de la merde. T'as un truc de recherche. C'est un échec. Okay. Voilà. Alors, tac. Quand vous passez du temps à faire des recherches au sujet d'un donjon, lancez 2d6 plus intelligence. Tu as fait 5, donc c'est un échec. Ok. Alors, un échec. En cas d'échec, qu'est-ce que ça dit? Choisissez une option dans la liste ci-dessous, mais ne la détaillez pas. Vous avez choix entre vous découvrez une carte d'une partie du donjon, vous découvrez des informations à propos d'un piège du donjon, vous découvrez des informations à propos d'un monstre, d'un groupe fréquentant le donjon, ou vous découvrez des informations à propos d'un trésor de valeur. Alors, du coup, moi, je vais choisir d'avoir une carte d'une partie du donjon, grâce à mes recherches. Donc on va dire que du coup, en me renseignant de manière très habile, j'arrive à obtenir un bout de carte d'un aventurier qui est justement sur le point de partir, genre « J'y retournerai plus jamais !»« Tiens, non mais prends, c'est bon, ça me débarrassera !»« J'ai vu des choses, mec !»« Tu peux pas comprendre, putain, je suis pas venu pour souffrir, ok ?»« T'es pas mon vrai père !» J'ai vu des gens qui sont morts. Oui, quand tu vas voir les nécromanciens. Généralement, dans une école de nécromanciens. Tell me something I don't know. Ok. Je vais noter ça dans un coin. Donc, une partie de la carte. Très bien. Je testerai un truc avec ça. Donc c'est carte 2 du donjon. Hop. Ok, ok. Très bien. Bah, on va finir sur un dernier petit truc. Parce qu'on est déjà. J'ai bien avancé et je n'avancerai pas plus après. C'est sur bah, le prochain. Ouais, le. Que tu. Monsieur claustrophobe, ton prochain boulot. Tu souhaitais. Souhaiter essayer de trouver du boulot comment, enfin qu'est-ce que tu cherchais comme type de boulot Moi après j'ai rempli la on va dire une partie du contrat, parce que je rappelle qu'à l'origine le contrat c'était d'aller buter Lucifer, donc là on va dire des preuves ou une connerie comme ça. C'est un objectif, oui. En gros on va partir du oui voilà, c'est l'objectif final, c'est pour ça que de temps. On va dire que la première mission que j'ai faite en butant la tronche, c'était on va dire une phase de test, on va dire un entretien d'embauche. Moi maintenant, en attendant qu'ils aient autre chose à me proposer, je vais pas rester là pendant 15 jours à me tourner les pouces quoi. Moi j'ai beau avoir un salaire qui m'est reversé par les teutons flingueurs, le salaire faut que j'aille le chercher. Et qu'il n'y a pas de succursale des teutons flingueurs dans la ville. Donc il me faut du pèse pour vivre. Mmh. Donc okay. Voilà, je cherche des contrats de... Je sais pas, genre... De la chasse aux monstres. Par exemple. Chasse aux monstres, ça devrait pas être trop dur à trouver, hein. Bah... Vu le coin. Clairement, ouais, non, tu vas entendre... Tu vas entendre que voilà, il y a des... Des rumeurs... d'un monstre qui aurait été je sais pas s'il est en tout cas amené par les chultistes. Tu ne sais pas trop ouais c'est un kiki tout dur, c'est comme une kiki mort mais en plus blindé en plus solide, voilà, avec un aspect un peu plus pierreux quoi, voilà, tout à fait. Ok. Donc les chultistes ont. Oui voilà. Oh. Tu sais qu'en tout cas dans les abords d'un secteur chultiste, ben voilà, il y a ce monstre qui tue ou qui fait peur aux gens aux abords de ce secteur chultiste, et tu comprends rapidement en fait que le culte en tout cas en profite dès que les gars sont barrés ou sont morts pour prendre un peu de terrain quoi. Toi, c'est un peu leur méthode d'expansion quoi. Ils prennent du terrain à qui du coup? Lance-moi un D6, je te dirai comme ça. Écoute, vas-y. Ah oui, merde. Oui, je suis désolé. Désolé. Parce que comme je suis un peu loin en même temps, je suis en train de me faire des notes. Bon, bah, Céline, vas-y, lance un D6. Okay. Je te fais confiance. Hein. Et. 1. 3. Oh. C'est mitigé. Hein. C'est un gang qu'on n'a pas encore trop entendu parler. C'est le gang, enfin en tout cas, je parle de cette gang, mais c'est l'ordre des paladins de Chorzy. Mmh. Alors là, je vais sur mon petit carnet. Alors, cours de géopolitique locale. Ils sont gentils avec moi ou pas? C'est des bancs, t'es musclé. Non, je suis musclé. Je suis désolé, j'ai pas d'autres blagues. Parce que là, j'allais dire, oh, c'est un peu nul là quand même. C'est là. J'ai pas mieux faire. J'ai simulé, quoi. Alors pour le coup Non je crois que j'ai pas gros rapport c'est avec c'est eux. Pas, c'est oui, ils ont c'est plutôt des bons gars hein, dans, sur le principe. Hein, Ouais, mais ils sont pas foutus de se démerder. Mais je prends. Ils sont pas foutus de se démerder, donc ça me laisse un prétexte de me les mettre à dos. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. On va faire ça. Ok. Je vais leur apprendre comment on travaille. Comment travaillent de vrais professionnels. Eh ben, il y a une armée qui se fait à côté, et puis il y en a d'autres qui vont s'entraîner aussi, super. Alors, ouais, je pense que là on a amené déjà pas mal de d'autres directions sur lesquelles on va pouvoir travailler et faire les prochaines sessions. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je veux juste terminer vite fait avec un truc par rapport à la création de votre gang. Même si c'est monsieur à l'arbitre qui a l'air de s'en occuper plus, voire et peut-être de Célène en même temps avec son soutien. C'est elle qui s'en occupe, c'est son esprit. Elle. C'est mon esprit, ouais. Moi, le gang ne m'intéresse pas. Elle assiste, hein, elle se marre. Oui, non, moi, je suis le chef, c'est tout. Hein. Après, oui, voilà, ouais. Ça, c'est le faire-valoir. Non, le chef. C'est ce que je viens de dire. Moi, je m'en fous, clairement. Si les mecs, ils ont besoin de s'entraîner, ça m'arrange aussi parce que ça s'entraîne, mais ça va pas plus loin, quoi. Moi, j'ai mon ordre, et puis voilà, quoi. Enfin, ma confrérie, plutôt que mon ordre. Ouais, donc c'est... voilà, donc, moi j'ai quand même des questions par rapport à ça, vite fait. Le nom, on garde quoi, alors? C'est les marqués. Parce qu'ils ont une marque sur eux. Eh, c'est pas mal, ça. T'as pas plus drôle? Non. Non, c'est de l'humour d'arbitre, ça rigole pas. Peut-être si t'as vu sa gueule, c'est pas le champion du monde de l'humour, hein. C'est, je veux dire, voilà. Donc, hein. Déjà, il parle. Je savais même pas qui parlait, tu vois. ok. Tu apprends une chose tous les jours. Vous êtes pour le moment, vous restez dans le shaping ou vous cherchez un endroit où vous logez ailleurs? Bon, non, c'est très bien, shaping. Pour l'instant, ouais, on va rester shaping, je pense. Hein. Ok. C'est bien shaping, on peut acheter des trucs. Et on peut jouer. D'ailleurs, j'ai gagné quelle somme? Oui, ne vous inquiétez pas, pour les sommes, je vous donnerai les trucs. C'est pas. Je vais pas me cacher, hein. les sommes, c'est jamais très très important. Vraiment, si. Tac, tac, tac, tac. Ok. Non, mais au pire, on a qu'à se battre, comme ça fera une bataille de la somme. Oh. Facepalm. Ouais. Bon, donc, je vais vous laisser, hein, j'ai un taxi qui m'attend. Joli! Eh ouais, t'as vu? C'est beau, bon, c'est voilà. Beau. Référence historique, tout ça. Toi-même, tu sais. Non, c'est franchement, là, j'avoue. Là, je suis impressionné. Hein. Non, voilà. Slow clap, monsieur, slow clap. Voilà. Bon, Ok, voilà, non, mais voilà, je voulais avoir les noms et savoir où ils étaient à peu près pour savoir comment on va gérer ça par la suite. Très bien. Bon, et ben, j'ai envie de dire qu'on a terminé pour aujourd'hui. Donc, petite séance, on est à quoi, 1h45 là. Ouais, désolé encore. Non, mais de toute façon, ça aurait été une petite séance parce que il y avait des choses qui, lors de la dernière séance, qui. Ouais, qu'il fallait remettre en place des nouveaux éléments à dégager. Voilà, c'est ça, tout à fait. De voir quels étaient un peu vos objectifs. Maintenant que je vois que vous avez des objectifs un peu différents, tout ça, je vais essayer de voir ce que je peux ramener ensemble et comment on va les gérer un par un. Mais très bien. On va faire vite fait le petit débrief rapide. Je pense qu'il y aura Enfin, à part si vous avez beaucoup de choses à dire, mais voilà, si les gens ont des choses à dire, on va commencer par Arbiter. Hop, vas-y. Non, honnêtement, pas de rien de rien à dire là pour le moment. Ok, Heinrich. Écoute, non, ça va, c'est pour l'instant rien à rajouter. D'accord. Célène. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un lien qui s'est modifié. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait les trucs de fin. Oui, oui, non, après, on va faire le truc de fin de session, ouais. Mais j'ai supposé qu'on le faisait après le débrief. Ouais, bah, ouais, c'est pareil. Débrief, et ouais. Sinon, le débrief, non, ça va, tout va bien. Non, monsieur okay. Musée. On fera, c'est vrai que je c'est vrai que j'ai d'habitude, c'est vrai que je fais plutôt le truc de fin de session avant. Ça. Ok, pas de tac. Et Mister Klaus, est-ce que tu as des choses à remonter ou pas? Apparemment. On va prendre ça pour un nom. Tu marres? Non. Il a l'air de se marrer. Ouais, pardon. Ouais, c'est non, quel sujet? Oui, bah, savoir si t'avais des choses à remonter pour le débrief là ou pas. Non. Non? Ok, voilà. Très bien, ok. Bon, bah, on va passer au vite fait, ouais, au move de fin de fin de séance. De session. Paf, ok. J'ai même pas fait de note pour la carte cette séance. Je suis mauvais. Je récupère vite fait. Bon. Hop, quand vous finissez une session, si vous pensez qu'un de vos liens est résolu, vous en avez fait le tour, il n'est plus pertinent de demander aux joueurs de pégilier de penser eux-mêmes. Donc en gros, voilà, c'est de savoir bah, si un lien est terminé. On va commencer. Qui Arbiter, est-ce que tu penses? Alors, dans mes liens. Non, pas encore. Le ouais, seul que j'ai, pas... c'est... Non, c'était... Il faut que je montre à Klaus que je suis plus fort. Je suis plus fort. Alors, Klaus, dans tes liens, t'as... Toi, moi, 1v1, pas d'item, Fox Only. Pas ouais, d'accord, mais... Les armures. Ouais, bon, Klaus, par rapport à tes liens, je pense qu'il n'y a rien qui a bougé. Non, il n'y a rien. De souvenirs comme ça de tête, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, cette séance, il y a très peu de chances qu'il y ait des choses qui bougent, mais on verra. Mais Heinrich, est-ce que tu vois un truc, toi, qui a bougé? Non. Non, ok, ouais. Non. Bon, alors, Célène, toi? Bah, moi, j'aurais pensé plutôt qu'avec Arbiter, mon esprit et lui commençaient à un petit peu mieux s'entendre. Bah... Je pense qu'il a, il tient encore ce lien parce que bah ouais, elle m'aide, mais elle le fait pas exprès et je lui fais toujours pas confiance. Ok. Ok. Bon ben. Mais c'est possible que ça change si oui, elle continue à être. Ok. C'est donc possible. c'est en voie de. Ça peut changer. Ouais, c'est okay, possible. D'accord. Mais c'est pas actuel, donc bah il y a pas de ouais. Pas d'XP là-dessus. Tac. Donc après les liens, est-ce que des gens ont agi par rapport à leur alignement, Arbiter? Non. Mister claustrophobe, mettre à profit votre soif pour exécuter un ennemi redoutable? Non. Oui, bah tout à fait. Ouais. Heinrich. Non. J'ai effectivement découvert un autre trésor puissant, mais pour l'instant, je ne suis pas encore à l'étape de le garder pour moi. Pour soi. Voilà, donc, je veux dire, voilà. Célène. Du coup, je n'ai aidé personne, ni esprit, ni personne, donc non. Ok, donc pas d'XP lié à ça. À nouveau, appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde. Oui. Que le crash Mahjong n'a pas forcément de règles. Non mais ça, on savait déjà ça. Oui, non mais. Ça, voilà, pour Céline, c'est une confirmation. Elle peut tout faire. Déjà, il y a le fait que le totem du basilic est survécu a priori. Et si tu réunis tous les totems des Aïe et Finzer, le totem du basilic et les autres, tu auras. Si tu réunis tous les totems de l'épicerie, et ben. Ah, tu peux crafter l'ultime totem des Aïe et Finzer, mais. En fait, le totem, en fait, c'est juste un poivrier, en fait. Voilà, exactement. Pouvoir combiner. Attendez, il y a une formule magique inscrite sur le totem. Ucro. C'est ça. Enfin bon, oui, il y a un peu de nouveauté là-dessus, je suis d'accord. Hop, vous gagnez donc déjà un point d'XP pour ça. Parce que même si tu l'as pas dit, c'est quand même une connaissance pour tout le monde. Voilà, on va dire le truc. Avons-nous vaincu un ennemi ou un monstre? Non. Avons-nous trouvé un trésor mémorable? Non, mais à la prochaine séance, oui. C'est, il y a 7 mecs qui ont trouvé un trésor mémorable. L'esprit de camaraderie qui recrute. Oui, alors le pouvoir de l'amitié cuit les oiseaux, les poneys et les arcs-en-ciel, ta gueule, hein. C'est ça. The best kind of ship is friendship. C'est ça. C'est l'arbitre qui dit, qui parle du pouvoir de l'amitié et tout, c'est en mode. Ah. Mais oui, t'as fait. Ok, très bien. Bon, bah voilà, comme dit après, c'est vrai que c'était sûr qu'il n'y allait pas avoir beaucoup d'XP sur cette séance à cause du peu de jet de toute façon qu'il y a eu. Et de... En termes de scénario, il y a très peu de choses qui passaient. Hein. C'est ça, c'était aussi. Plus pour des ouvertures pour les prochaines. très bien. Eh ben, merci à vous, merci aux viewers qui ont suivi. Nous, on se retrouve donc possiblement dans 2 semaines. Je vous tiendrai au courant. Nous, on va voir ça en off. Donc, je vous dis au revoir à tous et à toutes. Tchuss. Bisous.